Jazz Time, présenté par Gérard. Porter le même patronyme, avoir aussi le même prénom, évoluer dans le même domaine, la musique, cela n'est pas sans poser problème pour les musiciens eux-mêmes et pour les amateurs. Ainsi, Avishai Cohen désigne un contrebassiste devenu aussi chanteur, et sous le même nom, on peut rencontrer Avishai Cohen, qui est aussi un musicien, lui, trompettiste de grand talent. Et si on aperçoit le plus souvent le contrebassiste à l'affiche du festival, le public dont nous faisons partie aimerait pouvoir écouter plus souvent le trompettiste. C'est pourquoi Jazz Time aujourd'hui a choisi de vous faire écouter une des réalisations d'Avishai Cohen, trompettiste, un album réalisé sous son nom, et en collaboration avec le guitariste béninois Lionel. C'est un album qui fait partie d'une trilogie baptisée The Big Green. Avishai Cohen semble apprécier ses collaborations puisque il avait été sollicité par le saxophoniste Sammy Thiebaud pour l'un de ses albums. Voici donc un extrait du troisième volet de The Big Green par le groupe d'Avishai Cohen, la composition Parto Forte. We'll be right back. Le trompettiste Avisha Cohen et son groupe, un extrait d'un album en trois parties qui a pour titre The Big Rain. Et Avisha Cohen était en compagnie du guitariste Lionel Loueke, le titre Parto Forte. Pour notre séquence vocaliste, eh bien, place à Dinah Washington. Elle est née dans l'Alabama et elle affectionnait les chansons abordant les thèmes politiques liés à la situation des populations noires. Elle ne s'interdisait pas pour autant d'interpréter des chansons plus commerciales et même sentimentales. Ayant débuté très jeune, Dinah Washington fera partie en 1943 de l'orchestre de Lionel Hampton, puis prendra son indépendance jusqu'à sa disparition en 1964. Elle n'avait que 40 ans. Voici donc une des ladies du jazz, Dinah Washington, interprète Rich Man's Blues. See Cuba and Spain. Don't want to go in a car, but on a jet-propelled plane. That's why he's gotta be rich. All you poor men have got to go. Must have everything I want. Yes, that includes his gold. Rétro, eh bien, nous écoutions la chanteuse Dinah Washington qui interprétait Rich Man's Blues. Le jazz et le roman noir, jazz et polar, font parfois bon ménage avec des références souvent précises à des musiciens ou à des compositions emblématiques de l'histoire du jazz. La musique de jazz fait alors partie du décor, des situations, de l'intrigue, des romans, avec la nuit, le cafard, l'errance, les alcools forts, la drogue et les femmes fatales. Parfois, le jazz n'est qu'un alibi lorsque le romancier se contente de semer dans les pages des éléments jazz, comme lorsque le héros est de passage dans un club, où un saxophoniste enchaîne les arabesques nostalgiques. Mais si le romancier cite le nom d'un musicien et l'un des thèmes qui lui est particulièrement associé, c'est au lecteur de faire le lien entre l'action et la musique, d'imaginer la bande-son du roman noir comme dans « Saxo Solo » de Gilles Corre, avec plus d'une dizaine de citations en 150 pages, certaines réitérées, dont l'interprétation par le trio d'Ahmad Jamal de « Poinciana ». Thank you. Amajamal.siana et la plupart des formes des styles de jazz intéressent les auteurs de polar, que ce soit du vieux blues jusqu'à un jazz plus contemporain en passant par Duke Ellington, que le capitaine d'un cargo bloqué dans le port de Marseille écoute sur un baladeur. Dans quelques romans noirs figure une sorte de panorama d'un style comme celui des années 50-60, le jazz West Coast, avec des références de Jerry Mulligan, Chelly Maine, Shorty Rogers, que Jean-Patrick Manchette énumère dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest, des musiques là aussi diffusées par une cassette dans l'autoradio de la voiture du héros qui est en cavale. Le nom d'un club, le Cherokee par exemple, est le titre d'une composition de Ray Noble, et puis il peut aussi évoquer un des lieux bien connus du quartier des Halles à Paris, le New Morning, le Duc des Lombards ou le Sunset. Et les titres des romans noirs sont parfois en forme de jeu de mots ou reprennent la traduction d'une composition. Ainsi, Lady the Tramp deviendra La Dame est une traînée. Pour Marc Villard, auteur, on suivra l'enquête sur la mort d'un saxophoniste noir assassiné, parce qu'il a aussi son importance. Le temps du jazz contribue au rythme de l'écriture d'un polar, aux événements, à la succession d'images fortes que traduit une écriture intense, vif, pleine de souffle, car l'écrivain considère que son roman est comme le jazz, avec une façon particulière d'interpréter une ligne mélodique en lui donnant toute son intensité, ainsi la voix, celle d'une chanteuse au timbre amer comme Billie Holiday. So mean, my man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you. his high draped pants. Stripes are really yellow. He wears high draped pants. Stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine and and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Le romancier et auteur de polar Jean-Claude Izzo reconnaissait que pour lui l'écriture et le jazz c'est indissociable, n'écrivant que sous influence, cherchant la musique avec laquelle il va improviser son écriture, si bien que l'humeur des personnages, leurs sentiments sont portés par la musique, et ajoute le romancier, le jazz c'est capter au plus juste la confusion des sentiments. On remarque que la plupart des auteurs de polar qui se réfèrent au jazz sont aussi de bons critiques tant ils savent traduire ce que la musique leur apporte par l'intermédiaire des musiciens. Art Pepper. L'écrivain Hugues Pagan, auteur d'une dizaine de romans noirs et qui vient après 10 ans de silence de sortir un nouveau roman, s'est évoqué dans des portraits de musiciens la réalité des hommes. Ce sera le saxophoniste Lester Young, par exemple, vers la fin de sa vie. Je cite Hugues Pagan. Il est parti tout seul, sans rien laisser derrière lui, rien que quelques phrases pudiques et tendres d'un tragique convenu, écrit Pagan. Lequel Pagan décrit l'infinie et indicible tristesse lancinante du sud profond et du blues. De Ray Charles, c'est aussi le phrasé aigu, l'élégance nerveuse de Parker ou encore l'orgue crayeux, sinueux et puissant comme un gros 8-cylindres de l'organiste Wild Bill Davis. One more time. Wow. On a du mal d'arrêter la fougue de l'organiste Wild Bill Davis sur le thème April in Paris. Le jazz n'a pas besoin du roman noir des polars pour accéder à une forme de popularité. C'est plutôt la littérature policière qui s'appuie à l'occasion sur le jazz avec plus ou moins de talent. Et je pense que les musiciens de jazz devraient apparaître au générique du roman noir quand ils ont été invités par un écrivain. Une bibliographie complète des ouvrages romans noirs contenant des références au jazz reste à faire, mais peut-être est-elle en chantier à suivre, comme on dit, dans les BD. La musique et le personnage Jimi Hendrix ont influencé le jazz et les musiciens des années 80-70 et même au-delà. Hendrix, c'est le rhythm and blues, le rock, un son, une technique de jeu que l'on a qualifié de sauvagerie contrôlée par rapport aux guitaristes de jazz, d'autant que Hendrix utilisait tous les effets électroniques disponibles avec en plus un fort volume d'émissions. Deux guitaristes ont en quelques mots défini Hendrix parmi les guitaristes. Pour John McLaughlin, Hendrix a modelé le futur de la guitare électrique et pour Jeff Beck, Hendrix a tout fait, il a refermé le livre. Après sa mort, il n'y avait plus rien à faire. Et Hendrix n'avait pas 30 ans quand il a disparu en 1970. Voici extrait d'un album vinyle d'Hendrix, sa composition Up From The Skies. I just wanna talk to you. I wanna do you no harm. I just wanna know about your different lives of this here people farm. I heard some you got your families living in cages tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I for growing blind? Or is it just a remains for vibrations echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before the days of ice, and of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars displaced and the smell of a world that has burned. A smell of the world that has burned. Yeah, well, maybe, maybe it's just a change of climate. I can take it, baby. I just wanna see. So where do I purchase my ticket? I'd just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Shucks. My daddy can see me now. Up From The Skies par Jimi Hendrix. Et 3 ans à peine après la mort d'Hendrix, le pianiste, arrangeur et chef d'orchestre Guy Evans choisira pour son grand orchestre d'interpréter en concert, puis pour un album, des arrangements écrits sur les musiques d'Hendrix. Guy Evans n'a écrit que 2 des arrangements qui figurent sur l'album The Guy Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix. Les autres arrangements étant signés de membres de l'orchestre. Guy Evans a choisi avec soin l'instrumentation de sa formation pour cet album, car les thèmes d'Hendrix sont des chansons avec une partie vocale reprise par 1 ou 2 solistes, un tutti d'orchestre et même un chanteur. Voici le thème Up from the Skies, mais par l'orchestre de Guy Evans, une version 3 fois plus longue d'ailleurs que l'original. Thank you. Voilà, j'extrais de la version que propose Guy Evans d'une des compositions d'Hendrix, Up From The Skies. Et puis ce vif intérêt pour Hendrix et sa musique est toujours palpable aujourd'hui, puisque deux albums de compilation avec différents interprètes pour chaque album ont été publiés récemment sur deux labels différents, avec pour titre respectivement Hendrix in the Spirit of Jazz chez ACT, c'est-à-dire 10 interprétations par des musiciens maison du label, tandis que pour Wagram Music, c'est Jazz Tribute to Jimi Hendrix avec 19 plages. On notera que certains musiciens figurent dans l'une comme dans l'autre compilation, ainsi pour Yon Sunna, la chanteuse, Nguyen Gyi, le guitariste, ou encore Ayla Sand. Outre l'aspect commercial de ces compilations, on ne peut pas le cacher, sur le plan artistique, on appréciera les différentes approches des relectures qui ont été tentées et qui ont parfois réussi avec des musiciens de jazz à partir d'un répertoire très caractéristique d'un artiste comme Hendrix et de son époque. Illustration avec le guitariste Nguyen Lee qui donne sa version, eh bien, à nouveau de Up From The Skies. I just wanna talk to you. I won't do you no harm. I just wanna know about your different lives on this here people farm. I heard some of you got your families living in cages tall and cold, and some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I going blind? Or is it just remains from vibrations and echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. Un son plus proche de l'original, c'est cette version que propose Yuen Li de la composition d'Hendrix Up From The Skies. C'était notre troisième illustration de ces compositions d'Hendrix. Et après cette séquence dédiée à Jimi Hendrix, avant de refermer le numéro de Jazz Time, un guitariste d'aujourd'hui, un bluesman, Alastair Green, qui est aussi le compositeur du répertoire de son groupe, un trio avec invité. Ils interprètent ce thème que je dédie à l'ami Jean-Jacques, Down to Memphis. Left Atlanta in '72 with no idea what I was gonna do. Le son d'Alastair Green avec son groupe, c'est une interprétation que je vous proposais, le titre « Down to Memphis ». Je rappelle à nos auditeurs que le festival Jazzpot à Thionville a débuté ce samedi 23 juin. Il s'achèvera le 30 juin, c'est la 14e édition. Un programme éclectique et résolument actuel à ne pas manquer. Un grand merci à Quentin qui était en charge de la réalisation de Jazz Time. Et quant à moi, bien je vous retrouve dans une semaine peut-être pour un autre rendez-vous avec le jazz. Au revoir.